1-2-1-2, sur l'instru je me caloquais. Entre site et pour s'entendre, on laisse les balles dialoguer. Si la mort passe et me congèle, personne pourra me couvrir. Je n'ai pas césarienne, donc je suis peut-être né pour faire souffrir. Oh, que des punchlines que je véhicule, toi. Pas avec des crues ou des tues, mais devant un flingue tu t'étues. Je rappe comme un CBR sans casse, vroom. Garmo qui s'en casse, boum. Ouais, je kiffe quand ça prie, eux ils aiment quand ça douille. Je sais que les meufs transforment les mecs bon bâtard. Que les femmes masses transforment les passeurs en passoires. Pour un peu d'eau pour voir. J'écris des conneries, donc même ta connerie. Non, je rappe pas pour sortir du low, j'ai le flow de la loterie. Les loups deviennent violents, les berges peuvent rien faire. Les types sont intenables, ils pensent qu'à tes droits en concert. Pas de ma faute s'ils sont trop d'art. Putain, le couple s'annonce bad. Mon amitié, je la trouve glissante. Roya, ma confiance rétrograde. Là, je fonce là, bonita, vomis pas, c'est riba. La symphonie des chargeurs ou la danse des ritales. Des barrettes sous mon lit pour me sentir moins seul. L'ascenseur social t'asphyxie. L'illicite, tu tiens les claustrophobes. Plan, ça fait dommage le filon, je me suis levé à l'eau. Suffit que ces chiens de keuf passent et mon plan tombe à l'eau. Je veux rater un Marlo, je te laisse faire mariole. Les mecs en haste, putain de bull finissent comme bubbles, baby. Jack ton casier, t'enfonce le bave et on rajoute. FAP dit que c'est l'alarme quand a fait déborder la joue. En bruit de prolique bécane, d'un 9-3 c'est bien connu. Que l'État nous diabolise pas, l'ont bien fait pour Coluche, cogno. A pas confondre, muchacho c'est muchahid. La banlieue contre l'État, hélas, sera pas un nouchahed. Si je t'ai loupé, ben c'est que le calibre s'est enrayé. Pour Ken, j'ai pas besoin de Rio, j'ai besoin de Zeyo. Nique les manifs, ça nique ma perte, Fiyou. Dehors la loi, quoi, là ouais, c'est nous. 93, on va pas de Chekla et Cheka. Si on a un truc à dire, on viendra chez Cher dans ton Tieka. Les colons fouettent l'histoire, donc j'rappe le dos nu. Même avec une scoliose, la France veut te mettre le dos au mur, putain. Caillasser les stars, c'est ça qui nous occupe. Dans le ghetto, y'a ceux qui lèvent des culs et ceux qui lèvent des cubes. Par la meuf Zarbi, Zarbi, on sait que tu suces des queues. Méga tire sans réfléchir, ouais, mais j'marche avec eux. S'il reste des bons grands, j'dirais que c'est cosy. En période de pénurie, les dealers harcèlent les grossistes. 225, moi changerai pas d'indicatif. J'écris des textes et des thèmes que méga kiffe, je remplis négatif. Y'a qu'une pute qui sait ce que c'est donner de sa personne. Les aveugles, c'est ça, ils voient déjà personne. Toutes mecs pour les canards, pour moi la jante masculine, j'm'en sous coup de grâce. Ta meuf doit faire ton taf, bouger en bande et mettre des coups de schlasse. Si je te dois, j'paierai pas, et ne comme Vegeta. Mes frères réclament un vendetta pour nos dards en endetté. 93 Seine, Saint-Denis dinguerie. À la sortie du périph, les refs ont peur se faire épingler. Je crois que c'est l'illicite qui a cagoulé nos vies. Tu me parles des francs, je te parle de Shine, hein, ou Tang M.O.B. Tu veux vesquille, ramdam, n'achète un en pécane. Si ta barre était trop petite, reste plus qu'à blinder le cellophane. Je chante percé, Bercy, braquage, perquise. Monter au casse-pipe pour me faire descendre après un classique. Commerce triangulaire expliqué par des singes. Ou l'importance d'une vie expliquée par des flingues. Si la juge est baisée par un noir, ma peine sera moins terrible. D'un 9-3 y'a pas de karting, juste des poursuites sur périph, dérive. Mes frères trimballent une tonne de remords. Certains marchent à demi-mort, noient dans la Smirnov. Tu veux nous tester, sois-en sûr qu'on va te douiller. Parce que les grands qui nous conseillent, eux, sont totalement bourrés, je dirais. Même si Alia est morte, nous on veut bouger aux Bahamas. On tire en l'air aux Famas, mais t'as les mecs du Hamas. Un poteau écroué, une daronne s'écroulée. Et ceux qui tentent de se pendre au start, t'en parles à gorge nouée. Yeah, j'ai pas la science infuse, mais j'aime les balles qui fusent. La vengeance, un plat qui se mange froid, ma short d'un centrifuge. Des nouvelles cartouches, sera pas pour l'imprimante. Oublié comme ça vidange, j'pars de la banlieue vu que ça vidange. Je vais pas te faire de fleurs, fais fou et je t'arrose. J'ai syndrome de Michael Jackson, je veux pas ressembler au daron. J'ai syndrome de Michael Jackson, je veux pas ressembler au daron. La symphonie des chargeurs, coup de fusil à pompe funèbre. FA baby.